on va retourner ensemble dans l'Épître aux Romains. Tellement été longtemps dans l'Épître aux Romains. Dans l'Apocalypse. Chapitre 2 et le verset 18. C'est là qu'on est rendu ensemble. On est en train d'étudier les sept églises. On est rendu à la quatrième. Et l'Apocalypse a été écrit par Jean, qui a reçu un message d'un ange, qui avait reçu le message de Jésus, qui avait reçu le message de Dieu. Dieu voit son peuple en difficulté. Dieu voit son peuple qui a de la difficulté à fonctionner, à continuer de fonctionner. Pour bien comprendre ce livre-là, qui est un livre des fois que bien les gens disent, c'est dur à comprendre, il faut reculer en arrière et être capable de se mettre dans la position de ceux qui ont reçu le livre. Et pendant qu'ils recevaient le livre, l'Église était dans un temps de très grande persécution, tribulation. Les gens mouraient par milliers, les chrétiens. Chaque jour, il y avait des spectacles donnés par les Romains ou par Néron. On faisait mourir les chrétiens. Les gens payaient. Imaginez-vous rester dans une ville où qu'on paye pour aller voir les gens mourir. Un show. Ils vont voir le show romain dans l'arène. Et les chrétiens, ce qu'on peut voir en étudiant les sept églises, se posent des questions, s'interrogent, ont des difficultés à fonctionner jusqu'à certains points. Et ils se demandent s'ils ont bien compris le message de l'Évangile. Quand l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, les Thessaloniciens se demandent s'ils ont bien compris aussi. Ils se demandent, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui vont mourir? Ou qui meurt, puis Jésus n'est pas revenu. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient, eux autres, que Jésus reviendrait avant que les chrétiens commencent à mourir. Mais il y en est mort tout un lot depuis qu'il est parti. Donc, les livres, il faut les recevoir comme quelqu'un qui souffre pour la cause de Jésus-Christ et qui veut être conforté, qui veut être encouragé, qui veut être fortifié dans le Dieu qui m'a dit ça, le Jésus qui m'a dit qu'il reviendrait nous chercher, il n'a pas compté de m'entrer. Il va venir nous chercher. Mais vous savez comme moi, ils sont tous morts sans que Jésus puisse revenir. Et tous les chrétiens, à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, toutes les générations de chrétiens ont toujours l'espérance que Jésus va revenir avant qu'eux meurent. Les chrétiens disent, ah, le Seigneur ne peut pas retarder un autre 30 ans. Il va revenir avant ça, il va revenir là, il s'en vient là. Et je crois personnellement que ça a été écrit d'une façon telle que tous les croyants pensent que ça peut arriver dans leur vie pour qu'ils soient encouragés et fortifiés. Il y en a qui ont vu le film La Grande Séduction? 1, 2, 3, 4, 5. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Moi non plus, je n'ai pas vu. Mais cette semaine, pendant que je préparais mon sermon, on va parler ce matin de la séduction. Quand j'ai lu l'Église, les versets qui prennent l'Église de Thyatire, ça m'est venu tout à l'esprit, la grande séduction. Et je marquais ça comme titre de mon message, la grande séduction. La grande séduction. Oh, je ne connaissais pas, moi, je n'ai pas vu le film. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous entendez le mot séduction, à quoi vous pensez? Oui. Le mot séduire veut dire quoi pour toi? Quand tu es séduit par quelque chose, ça veut dire quoi? Attirer, d'une certaine manière. tromper, c'est négatif. Donc, quand une femme séduit un homme, c'est trompé. Faites attention à vous autres, les gars. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La séduction, ça veut dire qu'on essaie hein, d'avoir quelqu'un. On essaie de séduire. On essaie que quelqu'un puisse venir vers nous. Et le mot, savez-vous dans quel livre de la Bible le mot séduction est utilisé le plus? Non. Le livre des Proverbes, où est-ce qu'il parle de la femme prostituée souvent? Et la femme prostituée veut toujours séduire. Elle se met du fard sur les yeux, elle se met du rouge sur les lèvres. Mais ça, je m'attends, je regarde. Elle veut séduire le gars qui passe sur la rue. Hein? Le gars qui passe sur la rue, puis là, elle veut le séduire. Elle veut qu'il vienne vers elle. Et là, c'est pour tromper. C'est vrai que c'est certainement pas pour lui faire du bien. Hein? Elle, c'est pour tromper dans ce sens-là. Mais des fois, ça peut être pour le bon. Mais dans la Bible, Dieu n'est jamais appelé un séducteur. Parce que je crois que dans le fin fond du mot séduction, c'est toujours mensonge. C'est vous que c'est lui qui est appelé le séducteur dans la Bible? C'est le diable, Satan. Il est le seul qui est appelé comme ça dans la Bible. Le séducteur. Le séducteur. Il veut séduire les gens. Et le mot dans l'original veut dire abuser, illusionner, tromper, égarer, se jouer de quelqu'un. Donc, quand tu séduis, tu ne montres pas tes couleurs. Tu ne montres pas la réalité. Tu veux impressionner la personne ou les gens ou pour une cause. Parce que tout à l'heure, tu pars quelque chose. Si mon produit est bon et est valable, tu n'as pas besoin de me séduire. Tu as comme me présenter la vérité, c'est là, c'est comme ça. Puis je vais le prendre. Parce que c'est vrai, il est bon. Mais si tu essaies de me séduire, c'est parce que peut-être quelque chose de caché en arrière de ça, qui c'est peut-être pas la réalité tout ce que tu me dis. Tu veux te montrer sur un autre jour que la réalité. Et c'est ce qu'on va se parler ce matin dans cette séduction que l'Église de Thyatire est prise avec. Elle est prise avec la séduction. Laissez-moi vous lire quelques versets dans les Proverbes, si vous les suivez là. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Elle le séduit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. La séduction pour tromper. Dans Genèse 3:13, quelqu'un veut lire? Le serpent a séduit. Ça veut dire qu'il a trompé la femme. Il lui a dit, si tu en manges, tu ne mourras pas. Tu vas devenir comme Dieu. Il l'a séduit par un mensonge. Et elle l'a cru cela. Dans Deutéronome 11:16, quelqu'un d'autre? Et ce matin, ce qu'on va parler, ce n'est pas de séduction physique ou monétaire, mais de séduction spirituelle. Il dit, gardez-vous d'être séduit spirituellement. Dans Deutéronome 13:13. Et dans Daniel 11:32. Donc, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est un peuple qui souvent s'est fait séduire spirituellement. Et la séduction dans le peuple d'Israël, spirituellement, venait toujours dans un temps spirituel difficile de leur vie. Et là, quelqu'un venait et leur faisait miroiter quelque chose qui les attirait. Et ils se détournaient de Dieu qui ne voulait pas leur donner ce qu'ils avaient voulu avoir. Ils allaient vers d'autres dieux pour avoir ce qu'ils pensaient qui était bon pour eux autres. Et ce matin, on va voir l'église de Thyatire qui est prise avec cela. Jésus va lui parler, il va dire, tu es en train de te laisser séduire. Là, il ne parle pas physiquement, mais spirituellement. La première église qu'on a étudiée, c'est l'église de Éphèse, avait des problèmes avec la satisfaction. Une église qui était bien installée, qui connaissait bien la doctrine, mais elle avait abandonné son premier amour, qui était Jésus-Christ. La deuxième église, l'église de Smyrne, avait des problèmes avec la tribulation. Et Jésus lui a dit, « N'aie pas peur de souffrir pour moi. » La troisième église qu'on a vue la semaine passée, l'église de Pergame, avait eu des problèmes avec l'intrusion. Quelqu'un s'était introduit dans l'église pour la tromper dans la vérité. Et ce matin, la quatrième église, Thyatire, elle a des problèmes avec la séduction. La séduction. Dans Matthieu 24, 4, Jésus dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous remarquez que la séduction, c'est toujours un peu pour sournoiserie. Il dit, « Ils vont venir vous séduire, se faisant passer pour le Christ, mais ils ne sont pas le Christ. » C'est impressionnant, hein? Le diable ne vient jamais déguisé avec ses cornes et sa grande queue fourchue. Parce que tout le monde le reconnaîtrait. On dirait, oh, c'est le diable, on s'en irait. Mais la Bible nous dit qu'il vient déguisé en ange de lumière. Ça fait frémir un petit peu. Hein? Ça nous énerve un petit peu. Ça nous rend craintif. Il peut venir déguisé comme un ange de lumière. C'est lui qui amène la lumière. Il se présente comme ça. Mais c'est pas vrai. S'il vient comme ça, c'est pour séduire. Et la Bible nous dit ici que beaucoup de gens vont être séduits. Ici, dans Matthieu 24, 4, le verset que j'ai lu, ça parle de la fin des temps. Et plus on va aller vers la fin des temps, plus la séduction va devenir grande. Et plus les gens vont se faire tromper. Souvent, les gens disent, fais attention. Faites attention au péché, les chrétiens. Moi, je vous dis, faites attention à ce qui ne paraît pas être péché. Les péchés, absolument, les chrétiens les voient. On les sait, c'est quoi, les péchés. Des fois, on les fait pareil, mais on le sait que c'est péché. Mais ce qui est le plus énervant, c'est ce qu'on pense qui n'est pas péché, par lequel Satan peut venir nous séduire, ou séduire les gens qui ont une tendance à la spiritualité, ont une tendance aux choses religieuses. Vous savez que selon les études de la société aujourd'hui, depuis l'an 2000 jusqu'à l'an après 2020-2025, la génération qui va vivre ça va être une génération portée vers les choses spirituelles et religieuses. Allez dans les librairies aujourd'hui, on vend des livres spirituels abondamment. Là, il y a une vague présentement, on parle surtout des anges présentement. Il y a plein de livres dans les librairies qui parlent des anges. C'est de la spiritualité. Et les gens se laissent séduire. Puis ils disent, ça doit être vrai. Ça doit être ça qui est vrai. Mais pour qu'ils aient acheté un livre qui parle des anges, c'est parce qu'ils ont une tendance à la spiritualité. Ils veulent du spirituel dans leur vie. Ils savent que les choses matérielles ne vont pas satisfaire tous leurs désirs. Et dans ce moment-là, ils sont dans une phase de leur vie très dangereuse parce qu'ils peuvent être séduits. Un homme satisfait peut résister plus facilement à la tentation. Un chrétien satisfait de sa foi et heureux dans sa foi va être beaucoup plus dur à séduire. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voici les avertissements que les fondateurs de l'Église ont donnés à l'Église de faire attention. Éphésiens 4, 14. Quelqu'un veut lire? Un Timothée 4, 1. hein, un séducteur, démon, ça va ensemble ici dans le texte. 1 Jean 3, 7. Le verset qui parle à des non-croyants, mais ici le texte parle dans 1 Jean, il parle à des croyants, des petits-enfants, faites attention, ne pas être séduits. 2 Jean 1, 7. Le séducteur et l'antéchrist. L'Église est avertie à tout bout de champ, à partir de l'apôtre Paul, des Actes des apôtres, jusqu'à temps que les apôtres partent. Les apôtres ont dit à l'Église, attention de ne pas vous faire séduire et vous faire tromper et vous faire détourner de la vérité. Il y a un verset qui me trouble des fois. Je vais passer par-dessus ceux-là, si ça ferait, il y a trop à lire. Là. Mais il y a un verset qui dit que Satan aura l'aide de Dieu jusqu'à un certain point. 2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il y a des gens qui vont être séduits dans la fin des temps. Mais à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, Dieu va dire « c'est assez ». Et Dieu va envoyer lui-même une puissance d'égarement pour que tous les gens soient égarés dans le mensonge. Et à ce moment-là, je vous dis personnellement qu'il n'y aura plus de possibilité de salut. Ça va être terminé. Une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, à la séduction. Allons voir cette église à qui Jésus parle et qui lui parle de séduction. Apocalypse 2, verset 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Si on allait être là, on dirait, quelle belle église! Hein? Mais, et que les mecs sont difficiles dans les lettres aux églises. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous et à toutes les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra. Et avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est notre prière ce matin, parce qu'on voudrait bien entendre ce que l'Esprit dit aux églises, n'est-ce pas? C'est votre prière comme la mienne ce matin. Seigneur, je ne voudrais pas être un sourd. Parce qu'on peut entendre sans comprendre, sans saisir. Mais il dit, heureux ceux qui ont des oreilles et qui entendent ce que l'Esprit dit. Et comme je l'ai dit dès le début de l'étude de l'Apocalypse, l'Apocalypse a été écrit à l'Église, pas aux inconvertis. Ça a été écrit à l'Église. Et ici, il s'adresse à une Église. Il dit à l'Église, j'aimerais que tu ne te laisses pas séduire par Jézabel. Connaissez-vous un peu l'histoire de Jézabel? Qui connaît Jézabel dans l'Ancien Testament? Deux personnes à peu près. Donc, ce matin, on va parler un petit peu plus loin. On va parler de Jézabel, femme séductrice. C'était la number one. C'était le numéro un en Israël. Elle avait séduit une femme toute seule. Elle avait séduit tout le peuple d'Israël. Imaginez-vous, une femme. C'est dangereux, les femmes, hein, les hommes? Attention, c'est dangereux. Les femmes n'avaient pas entendu. Il dit, attention, une femme a séduit tout Israël. Et Jézabel est devenue comme, on dit des fois, hein, lui, c'est un Judas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Un traître. Parce que le mot Judas est devenu synonyme de traîtrise. Jézabel est devenue le synonyme de séduction spirituelle. Séduction spirituelle. C'est venu souvent. Attention à Jézabel. C'est quand vous lisez l'Ancien Testament. Attention à Jézabel. Alors, t'as qu'un mort. Mais ce qu'ils veulent dire, là, à ces personnes qui veulent vous séduire spirituellement, faites attention. Donc, Jésus nous dit de ne pas se laisser séduire par Jézabel. Celui qui se fait séduire, a-t-il l'impression de se faire séduire? Ben non. C'est sournois, hein? Lui, il a l'impression là, que c'est super correct. C'est très bien. Et que ça va être beau, ça va être bon, ça va être formidable. Il n'a pas l'impression du tout qu'il est en train de se faire embarquer dans un bateau et qu'il est en train de se faire tromper. C'est ça qui est dangereux, hein? C'est ça qui est troublant. Parce que tu ne le sais pas quasiment. C'est dangereux. Ici, l'Église dans laquelle Jésus parle, Thyatire, elle ne le voit même pas. Ça a pris quelqu'un de l'extérieur, qu'on appelle Jésus, qui est venu par son esprit dans l'Église, puis dit, je vais vous dire quelque chose, les gars, les filles, vous êtes en train de vous faire avoir. Ça prend toujours quelqu'un de l'extérieur. Quand tu es séduit, tu n'es pas capable de t'en rendre compte, tu es déjà séduit. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur et te dise, « Hey, tu t'es fait avoir. » Il faut que tu t'en sortes. Et c'est ça que Jésus veut ici. Ce matin, Jésus ne veut pas chicaner l'Église, entre guillemets, il ne veut pas détruire l'Église. Ce qu'il veut, c'est qu'il parle à l'Église à cause de son amour pour elle. Il veut qu'elle se repente hein, de cela et qu'elle revienne à son bon sens. Pourquoi Jésus nous dit cela? Verset 18. Il se présente comme étant celui qui a des yeux de flamme, de feu, et des pieds d'airain ardent. Jésus, moi personnellement, tu peux m'en passer une petite vite. Mais pas à Jésus. Hein? On peut s'en passer entre nous des petites vites, mais pas avec Jésus. Jésus a, les yeux comme de la flamme. Tu n'en passeras pas une petite vite. Lui, il voit clair. C'est pour ça qu'il a vu l'Église comme ça. Lui, il voit clair. Vous avez-tu déjà rencontré mon rêve quand j'arrivais au ciel? Écoute pas, James. Je meurs, je suis dans un rêve, écoute bien. Je meurs, je m'en vais au ciel. Puis je rentre dans la place où Dieu est, et j'ai les bras comme ça, chargés d'œuvres, chargés des choses que j'avais faites en tant que chrétien. Et là, j'arrive devant Dieu, et devant Jésus, et je vois, la première chose que je vois, c'est ses yeux qui brillent de feu. Et là, mes mains font ça comme ça. Puis là, c'est plus rien. Juste un petit mot dans le fond des mains. Grâce. Tu t'es fait séduire, mon Alette. Tu pensais être capable de me plaire quand tu ne peux pas. Juste la grâce. Juste la grâce. La séduction, elle vient sous toutes les formes. On peut pas se faire. On peut se séduire soi-même, on peut se faire séduire par les autres, mais on ne va jamais séduire Jésus. Il voit notre cœur. Et par amour pour l'Église, dans ce verset-là, il dit, je vais te dire que tu es en train de te faire séduire et quelques-uns d'entre vous sont déjà séduits. Quelques-uns d'entre vous ont déjà goûté les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Donc, remercions le Seigneur Jésus qui a des yeux comme cela. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il les a pour notre bien. Pour notre bien. pour voir dans le fond de notre cœur, dans le fond de nos pensées, et nous montrer la vérité. Donc, une des raisons qu'il ne faut pas se laisser séduire, la première, c'est Jésus a des yeux de flamme, donc il voit clair. On ne peut pas y en passer une petite vite. Deuxième raison, verset 19, c'est parce que Jésus ne se laisse pas tromper par l'activisme. L'activisme. Il dit dans le verset là, verset 19, il dit, je connais, hein? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les promesses, que tes premières. Voici une église très engagée, très fonctionnelle, qui bouge. Mais Jésus dit non. Tu ne vas pas me tromper par l'activisme. Parce que tu peux être très, très actif, spirituellement parlant, sans être dans la vérité. Moi, je dirais qu'une grande partie de l'activisme religieux dans la société démontre qu'on est séduit. Pas le contraire, démontre la séduction. Vous regarderez les mouvements sociaux qui sont les plus actifs dans la société pour faire du bien. Ce n'est pas les chrétiens. Vous marquerez, en grande partie, ce n'est pas les chrétiens. Ils ont été séduits. Ils deviennent très, très actifs. Jésus dit, non, tu ne peux pas me séduire avec ça. Et vous remarquerez, dans l'histoire de l'Église chrétienne, quand l'Église devient très, très active socialement parlant, vous voyez dans la génération qui suit, l'Église est morte, spirituellement parlant. C'est bizarre, hein? On pensait que c'est le contraire. Elle meurt toujours. Dans toute l'histoire, ça fait 2000 ans que ça dure. C'est toujours le même cercle vicieux qui s'installe. Quand l'Église devient un mouvement social qui veut aider, il y a à peu près, ça fait 20 ans, au moins, si ce n'est pas 25. Je suis allé à une conférence à Montréal, sur les mouvements religieux dans la société. Et on a parlé d'un mouvement, attends, je cherche mes notes. On appelait ça la théologie de la libération. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? La théologie de la libération. C'est-à-dire que le conférencier ne nous disait pas d'aller dans cette direction-là, mais il nous mettait en garde contre ça. Il y a 25 ans, puis là, on est en plein dedans. C'est que le mouvement religieux était là, où l'Église était là, pour aider la société à sortir de ses difficultés matérielles, sociales, émotionnelles, mais elle n'était pas là vraiment pour le spirituel, pour Jésus-Christ. Et dans ces mouvements-là, si vous lisez leur livre, le but de l'Église, c'est d'enlever la misère sur la terre. On ne parle pas de misère spirituelle, si on parle de misère matérielle. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en faire, voyons donc. Mais le grand danger, c'est qu'on déborde sur ce sens-là, puis qu'on arrête le spirituel. Cette semaine, j'étais allé dans un mouvement évangélique qui a commencé dans les années 1880 à peu près. C'était un mouvement très évangélique. Ils ont préclamé l'évangile sur toute la terre. L'espace de 20 ans, ça s'est répandu dans le globe entier. Des milliers de gens ont accepté le Seigneur. Et tranquillement, ce mouvement-là, on le voit. Quand vous lisez les affaires de 1800, vous lisez les 1900, 1920 jusqu'aujourd'hui, ils s'éloignent tranquillement, tranquillement, tranquillement. Aujourd'hui, vous allez visiter leur site spirituel, en guillemets, sur le site web, ils ne parlent jamais de Jésus. Mais ils parlent de toutes sortes de choses qu'ils ont faites pour aider les gens à sortir de leur misère, et physique seulement. Comment ils ont donné de l'argent, comment ils ont aidé ici, comment ils ont aidé ça, mais ils ne parlent jamais de la foi. En Jésus, comme sauveur personnel. Ils sont très actifs. Ils font plein de bonnes œuvres. Mais ils ont perdu, ils ont été séduits par, vous appelez ça par Jézabel. Il faut garder un équilibre vraiment comme il faut. Il faut aider, mais il ne faut jamais perdre de vue que notre raison d'être, ce n'est pas de sortir de leur morasse humain seulement. Sans ça, ils vont mourir, puis ils vont aller pareil. Détruit pour l'éternité. vont en avoir pour l'éternité. Oui, ils ont peut-être vécu la vie moins difficile pendant 10 ans, mais s'ils n'ont pas la vie éternelle, qu'est-ce que ça donne? Ultimement, ça ne donne à rien. Donc, avec notre aide physique et matérielle, il ne faut certainement pas perdre de vue, il faut les aider spirituellement. Spirituellement. Et cette église qu'on appelle Thyatire était rendue une église très, très active. Mais Jésus dit, je crois que c'est un résultat de la séduction. Ce que tu étais en train de faire. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir l'histoire de l'Église. Vous allez lire après 30 ans, 40 ans après, l'Église de Thyatire est morte spirituellement. Est-ce qu'on peut voir, c'est pas repenti. Elle a mis trop d'emphase sur le côté matériel et pas assez sur le côté spirituel. L'équilibre, je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un au gym, puis le gars il dit, c'est dur, François, d'avoir l'équilibre. Alors, j'ai dit, on l'a vrai pendant 2 secondes. On part d'un extrême, puis là, quand on passe au milieu, on est équilibré, puis là, on passe l'autre bord. Puis ils ont fait ça tout le temps. Puis là, on est équilibré quand on passe au milieu. Puis c'est pas long. C'est dur d'être équilibré. Et je crois que ça prend l'aide de Jésus pour garder l'équilibre dans nos vies d'église, dans nos vies personnelles aussi. Et là, il dit au verset 20, il dit, t'es mieux de te repentir et de ne pas te laisser avoir par Jézabel, parce que voici ce que je vais faire à Jézabel. Je vais la détruire, Jézabel. Donc, il va parler, si tu es un enfant de Jézabel, si tu fonctionnes avec Jézabel, ben tu vas être détruit avec Jézabel. Parce que moi, je te dis que Jézabel, je vais la détruire. Et là, on va parler de Jézabel dans l'Ancien Testament. Jézabel était la femme du roi Akab. Akab était un roi, moi, ce qu'on appelle ça, un bonhomme qui se laisse conduire par le bout du nez. Moi, c'est correct. On appelle ça une mitaine, une lavette, je ne sais pas quoi. Comment qu'on appelle ça? Quelqu'un qui se laisse mener par le bout du nez. En tout cas, on va appeler ça quelqu'un qui se laisse mener par le bout du nez. Un mou. Bon, tu sais, Akab était un homme qui se laissait mener par le bout du nez. C'est Jézabel qui portait les culottes en québécois. Et Jézabel, il l'a mariée. En la mariant, il a fait une erreur. Parce que Dieu avait dit, tu ne marieras pas une femme qui n'a pas la foi juive. Parce qu'elle va t'entraîner dans l'idolâtrie. Mais Akab était trop pogné, trop séduit, il l'a marié, Jézabel. Et dans l'espace de quelques années, peut-être 10 ans, c'est pas vrai, elle est venue au point tel que tout le pays d'Israël adorait Baal et les Astartés. Tout le peuple était devenu idolâtre. Juste à cause de cette femme qui est rentrée là et qui a séduit le dirigeant qui était à Akab. Et tranquillement, ils ont commencé à bâtir des temples, des hôtels, des ci, des ça. Et finalement, ils se ramassent et le peuple d'idolâtre. Et c'est là que Dieu a envoyé Élie. Il dit à Élie, tu vas aller. Hein, tu vas aller les avertir. Moi, je dis tout le temps, des fois, un homme qui m'a dit, le même homme qui parlait de milieu, d'être équilibré, m'a dit qu'il avait commencé à lire l'Ancien Testament. Il trouvait ça dur parce que c'était. Il semble que Dieu est dur. Non, Dieu n'est pas dur. Dieu est toujours amour. Il avertit son peuple. Tu es en train de te laisser avoir en fond de toi. Un Dieu dur, c'est vous ce que je pense qu'il ferait, moi? Il tournerait le dos et s'en irait. C'est ça que ça serait un Dieu dur. Ça serait juste tourner le dos et dire arrange-toi, fatiguant de peuple. Ça fait longtemps que je t'en dis. Mais il aime ce peuple-là. Et il revient à lui, puis il dit, je vais t'envoyer Élie. Envoie le prophète Élie, puis Élie les avertit. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont monté sur le mont Carmel, hein, avec 400 prophètes de Baal, puis un prophète de Dieu qui est Élie. Puis là, il dit, va vous montrer, c'est qui que le vrai Dieu. Et ils ont fait un hôtel, ils ont, avec les pierres, puis ils ont mis un bœuf dessus, puis ils ont dit, maintenant, priez votre Dieu, puis demandez-leur d'envoyer le feu du ciel. Pourquoi vous pensez qu'il a demandé d'envoyer le feu du ciel? Parce que Baal était le dieu de la foudre. Donc il dit, envoyez-les. Baal est le dieu de la foudre. Mais demandez-y qu'il envoie le feu puis qu'il fasse brûler l'autel, la viande qui est sur l'autel, le sacrifice. Vous savez ce qu'ils ont fait, hein? Ils avaient été séduits par Madred parce qu'ils étaient aveugles complètement. Ils ont commencé à sauter, à danser, à crier, à chanter. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Ils sont coupés. Ils ont fait ça toute la journée. Puis, vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas cuit d'un degré. Ça n'a pas cuit. Élie se vire de bord, puis il dit, Il a prié pendant à peu près 15-20 secondes. Et quand il a prié pendant 15-20 secondes, le feu est descendu du ciel et a brûlé tout le sacrifice. Même l'eau, puis toutes les pierres avaient brûlé, tout était brûlé. Et là, tout le monde crie, « Yes! » C'est ça. C'est l'Éternel, le Dieu du soleil, qui le ferait Dieu. Ils se virent de bord, ils rentrent en ville. Jézabel les atteint, mon gars, avec une brique et un fanal. Puis elle regarde la carte des yeux, puis elle dit, « Mon espèce, tu t'es fait envoyer, tu t'es fait embourrouer par Élie. » Puis elle leur convainc encore une fois qu'il s'est fait avoir par Élie. Et elle envoie ses soldats aux trousses d'Élie pour détruire Élie, pour le tuer. Mais à la fin, après qu'Akab est mort, après qu'Élie est parti, et aussi mort, il y a un prophète qui s'appelle Jéhu. Puis Jéhu va voir Jézabel, puis il dit, « Un jour, les chiens vont manger ta carcasse dans cette ville-là, ici, qui est Jérusalem. » Pas longtemps après, Jézabel tombe du toit de sa maison, d'une espèce de balcon, elle tombe en terre, et elle se tue là en tombant en terre, et les chiens viennent, puis la mange au complet. Et Jésus prend cet exemple-là ici en disant, « Attention qu'il n'y ait pas de Jézabel dans ta vie, qui vienne te séduire et qui vienne t'entraîner à aller vers le mal, vers la fausseté, vers l'activisme. Peu importe le moyen, qu'elle t'éloigne de la vérité, qu'elle t'éloigne de l'Évangile qui est en Jésus-Christ seul. Fais attention. » Moi, je dis que les plus vulnérables, c'est vous, c'est quel? C'est ceux qui n'ont pas peur d'être séduits. Les plus vulnérables, c'est les autres. Parce qu'ils n'ont pas peur. Ceux qui ont peur et qui sont craintifs vont se mettre sur leur garde. Ne pas être séduits. Jésus dit, si tu embarques avec Jézabel, je vais te détruire. Mais au verset 26 et 29, pour encourager par le positif, il a mis du négatif, il dit, si tu ne te repens pas, je vais te détruire. Mais si tu te repens, ou si puis tu vas vaincre Jézabel, voici ce qui va t'arriver. Au verset 26, il dit que je vais te donner une verge avec laquelle tu vas régner avec moi. Il dit, moi, il m'a donné une verge de fer pour régner sur les nations. Je vais régner sur le monde entier un jour. Puis il dit, si tu repousses Jézabel, si tu repousses la séduction et que tu restes ferme dans ce que tu crois, un jour tu vas régner avec moi. Et l'Apocalypse nous dit ça, hein, que le peuple de Dieu va régner avec Christ pour l'éternité. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, on pose d'autres questions des fois au Seigneur, hein. Seigneur, il dit, si tous nous autres, le peuple de Dieu, là, hein, si on règne, là, sur qui on va régner, il n'y a pas personne d'autre. Dans ma tête, à moi, c'est ça que je disais. Si je règne sur un peuple, mais c'est qui le peuple? Il n'y a pas, c'est juste les chrétiens qui restent. Tous les autres ont été détruits. Donc, il ne m'a pas répondu. J'attends encore une réponse. Si vous avez une réponse, vous me le direz. Oui, peut-être. Hein? Il dit, si tu vas régner un jour avec moi sur le monde entier, c'est-à-dire que tu vas être avec moi dans un état de félicité. Parce que Jésus, il parle de son règne dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, dans les nouvelles Jérusalem. Puis ensuite, il dit, je vais te donner l'étoile du matin. C'est qui, ça, l'étoile du matin? C'est Jésus. Jésus est appelé l'étoile du matin. Il dit, si tu vins, Jézabel, tu vas m'avoir, moi. Il dit dans 2 Pierre, et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jésus dit, si tu repousses Jézabel, tu vas m'avoir, moi. Mais si tu acceptes Jézabel, moi je vais sortir. Moi, je ne fais pas là avec toi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine, « Penses-tu qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? » J'ai dit non, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le même cœur. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le même cœur. Il y en a juste un qui est là. C'est à toi de choisir lequel que tu veux qu'il soit là, mais il y en a juste un. Dieu ou le mammon, Dieu ou Satan, la lumière ou les ténèbres, il n'y a jamais les deux. C'est toujours un ou l'autre. Comment on pourrait se faire séduire aujourd'hui en tant qu'Église? Quel est le danger de l'Église aujourd'hui? Comment ça va venir, la séduction? Si on le savait, ce ne serait plus la séduction. Si on savait, ce ne serait plus la séduction. On savait, ah, on va se méfier de ça. De ça. Ça va venir d'une façon telle qu'on ne le sait pas. Mais comment est-ce qu'on peut se préparer à ne pas être séduit? Comment une femme peut se préparer pour ne pas être séduite par un homme? Comment un homme se prépare pour ne pas être séduit par une femme? Comment on fait ça? Vous ne le savez pas par ça? Non, je parle plus humainement parlant. Là. Après ça, là, ta réponse est bonne pour la deuxième question. Oh, ça c'est pas bon, Joanne, méfie-toi de ça. Si, dis ça. Si tu veux te voir dans le bois, méfie-toi de ça. Oui? Ok. Ok. Ok. Donc, il faut soigner l'intérieur. Oui. OK? C'est ça. Donc, si tu ne seras pas capable de vaincre quelque chose qui vient de l'extérieur, si ton intérieur n'est pas correct. Les proverbes disent quoi à l'homme pour ne pas être séduit par la prostituée? Non. Non. Mais pour être capable de repousser, il faut quelque chose qui s'est là déjà avant. Non, je ne comprends pas. Non, il ne dit pas ça, proverbe. Proverbe dit fait. Non, non, ça c'est dans les psaumes, ça. Je vais le dire, mais mec, personne, quand je vais voir, personne ne le sait, je vais me sentir bien, hein, moi qui le sais. Non, non. Il dit fait de. Qu'est-ce qu'il dit ça? Fais de ta femme. Non. Fais la femme de ta jeunesse. Fais la femme de ta jeunesse ton amour, en tout cas là. Il dit, si tu soignes bien ta relation avec la femme que tu as, c'est la meilleure façon de résister à la séduction de l'extérieur. Et spirituellement, c'est la même chose. Tant je vais être bien avec Jésus, que je vais développer ma relation avec Jésus, que je vais être en amour avec Jésus, je ne me laisserai pas séduire par quelque chose d'autre. Un homme qui vient de manger n'a pas faim. Normal. Hein? Il vient juste de manger, mais bien plein. Tu lui mets quelque chose, une belle tarte devant, puis il va dire, oh non, j'ai plus faim. Oh non, j'ai plus faim. Quand je suis plein avec Jésus, quand je suis en amour avec Jésus, et que ça va bien avec Jésus, je ne laisserai pas séduire par l'extérieur. Donc, il faut développer ça. Développer notre amour de Jésus, afin d'être capable de résister à Jézabel. On va prier ensemble. Notre Père du ciel, cette semaine, pendant que je lisais ça, j'avais un peu peur. Hein. Ça m'a fait shaker un petit peu. Mais une chose est certaine, tu es disponible pour nous aider. Tu veux nous aider. On vient de voir qu'il faut t'aimer pour résister à Jézabel. Mais nous avons besoin de toi pour qu'on puisse t'aimer. Nous demandons, Jésus, que tu puisses nous remplir de ton amour. Nous remplir d'un amour profond pour toi, pour la vérité, pour notre Père céleste. Afin que quand le mensonge va venir, quand le séducteur va s'approcher de nous, qu'on puisse lui résister avec une foi ferme. Garde-nous toujours à l'affût de la séduction. Que tu sois toujours sur nos gardes, à chaque fois qu'on sort de chez nous, ou même dans notre propre maison, afin qu'on puisse résister jusqu'au jour que tu vas venir nous chercher et nous emmener avec toi. S'il y en a parmi nous qui se sont rendus compte ce matin qui avaient été séduits et qui étaient déjà séduits, tu nous appelles à nous repentir et à continuer avec toi, à repousser cette femme spirituelle et à s'attacher à toi. Donne-nous cette force si nous en avons besoin. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On se lève et on chante un dernier chant. C'est un dernier chant qui dit Jésus-Christ reviendra. Je crois que ça allait bien ce matin avec ce qu'on est en train de regarder. Présenter, son cache qui vous êtes? Michel, de quel nom? Michel? Paquette. C'est toi qui avais écrit, m'a demandé de. OK. Boucherville. C'est le Grimby, ça? Oh, vous êtes mieux par baquet avec moi, non tout? Pas loin, OK. Vous êtes l'église de Boucherville, OK. Vous travaillez dans le coin maintenant? Vous êtes venu dans le coin? Vous êtes en visite? À Saint-Adèle, OK. Bienvenue avec nous ce matin. OK, vous pouvez vous lever et vous partir. Bonne semaine à chacun. Le film, pas besoin. Le 30 novembre, c'est supposé. OK.